Chapitre 12e. Tandis qu'ils s'habillaient pour le déjeuner, les jeunes gens que Maxime avait été chercher au chemin de fer causaient dans le salon avec M. et Mme Passemard. Tous les trois étaient des compagnons de plaisir du fils Passemard, de ses amis de rencontre qu'on recrute à Paris dans l'enceinte du pesage, dans les écuries du cirque, à l'hippic, autour du tapis vert d'un tripot, et dans le boudoir des petites dames. Relation frivole où chacun des intéressés apporte une indifférence affable et polie, qui est à l'amitié ce que le strass est au diamant. Le plus âgé, M. Gaëtan de Salbris, pouvait avoir une trentaine d'années. Il avait fait du mariage sa carrière, quêtait les grosses dotes avec une ardeur de limier, et tombait en arrêt devant toutes celles qui passaient à portée de son âpre convoitise. Il avait renié sa famille d'agriculteurs aisés du pays chartrain, quitté son nom roturier de Dupont pour prendre celui d'un petit village voisin de la ferme que son père lui avait laissée et qu'il s'était empressé de vendre. Signé Salbris, sans la particule, comme d'autres signent Broglie, tout court, affecté de ne s'affubler d'aucun titre, mais portrait discrètement un tortil de baron au fond de son chapeau, à l'angle de son mouchoir, et une fleur de lys en épingle de cravate. Sa tenue toujours irréprochable avait cette correction qu'on remarque dans la mise d'un garçon qui va bientôt signer son contrat. De fait, il était virtuellement candidat perpétuel à la main de toutes les héritières de Paris. À force de philosopher sur son art, Salbris avait découvert que les jeunes filles à marier regardent d'un postulant sur tous les extrémités, la tête, les mains, les pieds, et que les mamans examinent plutôt le centre, la taille, la poitrine, les épaules. De là un peu de fantaisie qu'on pouvait reprocher à la couleur de ses pantalons, à la forme audacieuse de ses bottines, à la coupe de ses moustaches. Tout cela était pour ces demoiselles. Mais il rachetait ces concessions faites au goût frivole de la jeunesse par la sévérité de ses redingotes et le puritanisme du nœud de ses cravates, gage donné d'avance à l'austérité d'une belle-mère. De la sorte, il était impossible d'avoir plus l'air d'un homme fait pour le mariage, puisqu'il réunissait en lui, sans être ni l'un ni l'autre, le double aspect du fiancé et du gendre. Ses mœurs étaient régulières, comme il convient, quand on peut à tout moment être appelé à fournir l'épreuve d'une sérieuse vocation pour la vie conjugale. Nul ne lui avait jamais connu de maîtresse. Cocotte, femme mariée, ne comptait pas à ses yeux. Toutefois, ces dernières pouvaient parvenir à l'intéresser. Il suffisait pour cela qu'étant riche, elle devinsse veuve. Bien qu'il eût à peine 600 louis de rente, Salbris, à force d'expérience, d'ordre et surtout d'économie, paraissait fort à son aise. Il avait un rez-de-chaussée très convenable, rue de l'Université, dans une de ces maisons tranquilles où la moralité compte parmi les charges des locataires. Ce célibataire, malgré lui, se montrait aux courses le jour du derby et du grand prix, parce que cela est de bon ton, mais n'y pariait point. Appartenait à un cercle sérieux où il ne touchait jamais une carte. Fréquentait assidûment les ventes et concerts de charité, les sermons de saint Thomas d'Aquin. Ne manquait pas un bal de l'hiver et passait à bon droit pour le premier conducteur de cotillon de Paris. On le voyait souvent au bois, galopant dans l'allée des poteaux par les belles matinées de printemps, et nul ne savait qu'il déjeunait chez lui ces jours-là de 2 œufs à la coque et d'une tasse de thé, afin de regagner en partie sur sa nourriture le prix de la location de son cheval. L'été, il paraissait dans 2 ou 3 villes d'eau, à Trouville et à Dinard, faisait rapidement le tour de la colonie anglaise et américaine, organisait des charades, dirigeait de charmants petits jeux de société, se faisait couvrir d'applaudissements dans la comédie de salon, où il excellait, et toujours calme, toujours maître de soi, au milieu des sourires enchanteurs des Mrs. blondes ou brunes, s'éclipsait, après renseignements pris sur toutes les dotes, tant françaises qu'exotiques, de l'endroit. Ses prétentions étaient formidables. 1 million, même avec de belles espérances autour, ne semblait pas à son appétit un plat de résistance. Il n'avait pourtant à offrir en échange qu'une intelligence ordinaire, une petite frimousse assez insignifiante de ténor brun, le titre de chargé d'affaires de la principauté de Monaco, et une boutonnière multicolore fleurie de tous les ordres des républiques de l'Amérique du Sud. Mais quoi, Salbris était à la mode, et quel mérite, beau celui-là? On l'appelait dans les salons Muguet, parce qu'il portait toujours un brin de cette fleur au revers de son habit. Quand il entrait dans la salle du bal, un chuchotement discret faisait courir son surnom sur toutes les bouches de jeunes filles, des têtes curieuses se penchaient vers lui, des regards brûlants ou langoureux imploraient l'honneur d'une invitation à la valse, qu'il dansait à ravir, et c'était plaisir de le voir se promener au milieu du cercle, avec des mines un peu dédaigneuses de sultan blasé qui ne sait à qui jeter le mouchoir. Depuis 4 ou 5 ans qu'il cherchait, Salbri n'avait pas encore trouvé, mais sa confiance dans le succès final n'en était nullement ébranlée. Outre les 2 ou 3 douzaines de parties à peu près sortables qu'il ne perdait jamais tout à fait de vue, comme on plotte en attendant partie, il tenait en réserve une Mexicaine, une Juive et une fille naturelle de l'ordre anglais, toutes les trois prodigieusement riches, mais encore un peu jeunettes pour être mariées. Il les couvait avec sollicitude, et l'on pouvait surprendre en lui, quand il était auprès d'elle, quelque chose de cet attendrissement qu'on voit passer dans l'œil d'un gourmet, amateur de gibier, lorsqu'il regarde, à la devanture vitrée d'un restaurant, de jeunes cailles déjà grasses, mais pas encore à point, qui prennent leurs ébats dans la cage sans souci du cuisinier. Salbri avait rencontré 2 ou 3 fois André dans le monde. Il savait que la maison était bonne et profitait de l'invitation de Maxime pour venir faire un complément d'expertise. L'autre s'appelait Derieux. Ce jeune homme, fils d'un entrepreneur de démolition, tenait de son père 2 beaux petits millions trouvés dans les plâtras. Il avait des voitures, des chevaux et l'estime de Salbri, qui ne répugnait pas à se montrer autour du lac, mollement allongé dans la victoria de son ami, et l'aidait volontiers à fumer ses cigares. Derieux possédait donc tout ce qui fait le bonheur, 100 000 livres de rente, imagination point exigeante, estomac accommodant, une jument primée lors du dernier concours, un cocher très gras enlevé à Lord Pembroke, une maîtresse très appréciée, conquise sur le petit duc de Somorrostro, grand d'Espagne, une tante à héritage de qui l'asthme prenait depuis quelque temps une vilaine tournure, enfin, un joli talent de lawn tennis. Ce mérite, joint à celui de ses Knickerbocker, dont on disait sur la plage qu'il l'avantageait fort, lui avait valu l'été passé à Deauville une liaison de 21 jours, juste le temps d'une cure à Vichy, avec cette grande ennuyée de princesse Lubov, qui s'intéresse tant aux exercices du corps. La princesse n'accorde jamais plus, sous prétexte qu'un traitement ne gagne pas à être prolongé. Elle est d'avis qu'il vaut mieux faire plusieurs saisons par an. Malgré tant de raisons d'être heureux, Derieux ne l'était pas. L'hygiène avait pris possession de sa vie et le tyrannisait. Il se sentait entouré d'ennemis invisibles, de microbes innommés, et croyait fermement qu'un régime sévère pouvait seul conjurer la ruine de son organisme menacé. L'anémie surtout, la pâle anémie, l'inquiétait. Depuis certains jours qu'il avait saigné du nez et cru constater au fond de la cuvette une diminution des globules rouges de bon sang, Derieux luttait. Il prit du fer, du quinquina, de l'eau d'Oreza, sans parvenir à se tuer tant il était vigoureux. Puis il se soumit à une alimentation systématique dont la recette lui fut confiée par un jockey. « Jamais de farineux », devint sa devise. Ce martyr avait dans son cabinet de toilette les principaux instruments de son supplice, des haltères, un trapèze, des anneaux. Il emportait en voyage de petites barres parallèles articulées, d'invention anglaise, qu'on montait ou démontait en un tour de main. Se pesait tous les 8 jours, nu, dans une balance perfectionnée, très délicate, et devenait mélancolique si l'instrument accusait quelques grammes de plus qu'à la dernière séance. À ce prix, il obtint de magnifiques résultats, 45 cm de biceps contre 70 de taille seulement. Mais l'homme est insatiable, et l'infini le tourmente. Derieux cachait une plaie secrète. Marseille, le lutteur, portait à bras tendus 3 kilos de plus qu'il ne portait lui-même. Le 3e ami de Maxime était un mauvais sujet qui répondait au nom prédestiné de pas sérieux. Le père de ce jeune homme avait acheté autrefois une charge de notaire et consacré toute une vie d'austérité, d'habits noirs, de cravates blanches et de lunettes d'or, à rassurer les officiers ministériels, ses confrères, que son nom avait mis d'abord en défiance et quelque peu scandalisé. Pas sérieux, fils, arrivé à 25 ans, jeta le notariat aux orties, sous prétexte qu'il ne se sentait pas homme d'études. Mot qui, recueilli par le saut ruisseau, signalé par le second clerc au premier, expliqué par celui-ci au patron, et compris par ce dernier avec plus d'indignation encore que de difficulté, décida Maître Pas Sérieux à instrumenter sans retard et vigoureusement. Le pauvre jeune se vit couper les vivres au moment le plus critique, car il venait justement d'entrer en négociation avec une aimable personne, qui connaissait les affaires et réclamait des arts avant de conclure. Eugène avait le sens pratique des jeunes gens de son temps. Il alla chez un bijoutier de la rue de la Paix, se fit livrer au nom de sa mère, cliente de ce marchand, une parure de 10 000 francs, la mit en gage, vendit la reconnaissance, acheta au Palais Royal un bijou de 25 louis et se présenta aussitôt chez Mademoiselle Rosa avec tout ce qu'il fallait pour signer. Décidément victime de la fatalité du nom, il commença dès lors à mener une vie si joyeuse que l'écho seul de ses fredaines faisait trembler sur la tête de son père la calotte noire professionnelle. Un conseil judiciaire lui ayant été infligé, le drôle fit insérer par représailles dans plusieurs journaux une note portant que, réduit par un père inhumain à la détresse, M. Eugène Passérieux, fils de maître Passérieux, notaire, 75 rue Saint-Honoré, faisait connaître à toutes âmes charitables l'horreur de sa situation et se déclara prêt à accepter avec gratitude de ses amis et connaissances même des secours en nature. On était prié d'expédier les dons à l'adresse de Mademoiselle Rosa, 22 rue Bréda, qui voulait bien se charger de recevoir les offrandes. Cette mauvaise plaisanterie eut un succès fou. On ne parla pas d'autre chose pendant 24 heures sur le boulevard. Le fils de M. Passemard professait une sincère admiration pour ce gros garçon réjoui, indiscret, encombrant, finaud, prompt à vous tutoyer afin de pouvoir plus facilement vous emprunter 20 francs. Vrai braconnier du boulevard qui, de sa chasse quotidienne à la pièce de 100 sous, ne revenait jamais bredouille. Et c'était pour Maxime une vive satisfaction de faire les honneurs des Charmilles à ses excellents bons, Salbris, dit Muguet, Derieux, dit Loulou, et Passérieux, dit Panonceau.